le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu anibariki nini yote. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole. Musimame tutasoma neno la Mungu. Lisons dans Daniel chapitre 12 verset 8 à 10. Tutasoma mu Daniel sura 12 munane kufika na 10. Daniel 12 8 à 10. Daniel sura 12 kuanzia mstari wa 8 kufika na 10. Je préfère lire directement dans la tradition d'Arbi. Tutasoma kugeuza kwa Darbi. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Na mimi nilisikiliza lakini sikuelewe. Et j'ai dit, mon Seigneur, nikamwambia Bwana wangu, quelle sera l'issue de ces choses? Mwisho ya maneno haya itakuwa je? Et il dit, va Daniel. Akaniambia wende zako Danieli. Car ces paroles seront cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Kwani maneno haya itakuwa yenye kufichwa na yenye kutia muhuri hadi mwisho. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Wamingi watakatakaswa na kuwa safi. Et les méchants agiront méchamment. Na watu wabaya wataendelea kutenda mabaya. Et aucun des méchants ne comprendra. Na kutakuwa ta mubaya moya ula taelewa. Mais les sages comprendront. Alakini nipata wenye hekima ndio wataelewa. Gloire, gloire. Alléluia. Céleste. Mungu wetu na baba yetu aliye juu mbinguni. Te disons merci ce soir. Tunasema asante mangaribi ya leo. Pour ta grâce envers nous. Juu ya neema yako kwetu sisi. Pour ton amour infini. Juu ya mapendo yako yasipo mipaka. Pour tes compassions. Juu ya buluma yako. Et pour ta miséricorde qui dure toujours. Na juu ya rema yako kunadumu milele. Merci pour la révélation de ta parole. Asante juu ya ufunuo wa neno lako. Merci pour la lumière du soir. Na juu ya nuru ya mangaribi. Merci pour nous avoir inséré dans ton plan au temps de la fin. Asante vile ulitungiza mumapu yako wakati ya mwisho. Regarde ton peuple ici rassemblé. Tazama taifa yako inakusanyika. Pour que tu le fasses entendre tes paroles. Juu upate kuisikilizisha neno lako. Wanu Seigneur. Utupakae mafuta Bwana. Afin que ce qui sortira de notre bouche. Ili litatoka mkinywa yetu. Soit seulement les oracles de Dieu. Ikuwe paka maneno ya Mungu. Loin de nous toute interprétation particulière de ta parole. Mbali nasi mautafsili yote ya upeke ya neno lako. Et que le ainsi dit le Seigneur de ta parole. Ivi Bwana Mungu anasema ya neno lako. Soit proclamé sans mélange. Ipate kutangaziwa bila kuchanganika na vitu. Voyons que tu le feras. Tunaamini ya kwamba utaifanya. Ainsi nous te l'avons demandé par la foi. Juu tunakuomba hiyo na imani. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Munawezi kuketi. Sommes toujours dans ce sujet intitulé Les sages comprendront. Tukupaka muishina maubiri yenye kuitwa wenye hekima wataelewa. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Na wazia kukubatu wanatufuata mtandao. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Tunasalimia pia wale wanatufuata mjia mtandao. Que Dieu les bénisse pour l'amour de la vérité. Mungu awabariki juu ya vile wanapenda ukweli. Je remercie aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Namushukuru pia Bwana wetu Yesu Kristo. Qui a gardé ma femme qui a pris l'avion aujourd'hui et elle est déjà arrivée à Kinshasa. Ularichunga mke wangu alipanda ndeke aneshafika Kinshasa. Et elle est déjà dans le véhicule vers la maison. Na hapa iko mugari anaelekea kunyumba. Que Dieu soit loué pour sa protection. Mungu asifiwe juu ya ulinzi wake. Nous continuons toujours à parler de ce sujet intitulé Les sages comprendront. Tukunaendelea kusemezea yule aishi na mahubiri yenye kuitwa benye hekima bataelewa. Notre souci est que l'épouse de Jésus-Christ qui est ici, kutaka kwetu ni ya kwamba bibi ya rusi wa Yesu Kristo mwenye kuwa hapa, c'est-à-dire la fiancée de Jésus-Christ qui est ici, manake mchumba wa Yesu Kristo uleko hapa, puisse comprendre ces choses. Apate kuelewa maneno haya. L'incompréhension est une intelligence obscurcie. Kukosa kuelewa mzuri ni akili yenye kutiwa magiza. En allemand, l'incompréhension signifie les pensées obscurcies. Muki allemand, kukosa kuelewa manake ni mawazo yenye kutiwa giza. Donc quand on parle de l'incompréhension par définition, wakati tunasema kuelewa mbaya, c'est une intelligence obscurcie. Ni akili ile wanatia magiza. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'intelligence, mais on met les ténèbres sur cette intelligence. Manake ni mtu leko na akili lakini wanamtia magiza mwa akili yake. Afin que la personne ne voie pas correctement. Juu ya ule mtu asipate kuona mzuri. C'est ça l'incompréhension. Njoo kuelewa kubaya. Et vous allez voir, mutaona, on parle d'un seul Dieu. Wanasema kuhusu Mungu moja tu. Mais on le découpe en trois personnes. Alakini wanamukata mubatu tatu. Tout cela c'est l'incompréhension. Il est yote ni kuelewa kubaya. Mais quand la compréhension vient, wakati kuelewa kunakuja, vous comprendrez que Dieu est un. Mutaelewa ya kwamba Mungu eko moja tu. Dieu est unique. Mungu eko peke yake. Et il n'y a pas trois personnes en Dieu. Hakuna watu watatu katika Mungu. Plutôt il y a des fonctions du même Dieu. Alakini kuku makazi ya Mungu moja tu. L'incompréhension est une intelligence obscurcie. Kuelewa kubaya ni akili ile wanatia giza. Si vous lisez dans Ephésiens 4 verset 17 à 18, mukisoma wa Efeso sura 4 17 18, Ephésiens 4 17 à 18, wa Efeso 4 17 na 18, voici donc ce que je dis. Tazama basi ile niko nasema. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Na ile mina tangaza ndani ya Bwana. Ce que vous ni ya kwamba nini, vous ne devez plus marcher comme les païens. Amupashi tena kutembea sawa wapagano. Est-ce que toute assemblée me suit très bien? Eti kanisa mzima mnafuata mzuri. Vous. Mweye bale, mweye. Paul s'adresse à vous. Paulo anamiambia mweye. Sali ki s'adresse au racheté. Anambia benye ukombolewa. Frère. Nduku. Quand un homme expérimente la grâce. Wakati mtu anaonja neema. Dans sa vie, mu maisha yake, il faut qu'il y ait une autre foi. Inapasha kuwe na imani ingine. Ah, kuwe na maisha yake ya zamani. Voilà. Donc quand quelqu'un expérimente la grâce, wakati mtu anaonja neema, dans sa vie, il faut qu'il y ait l'autre foi. Mu maisha yake inapasha kuwe na maisha yake ya zamani ile. Vous devez être en mesure de dire, huko mkimo akusema, autrefois j'étais pécheur. Zamani nalikuwa kama mtenda zambi. Mais aujourd'hui je suis sauvé. Lakini leo naokolewa. Parce que la grâce de Dieu m'a délivré. Juu neema ya Mungu inaikomboa. Faut dire, autrefois j'étais ivrogne. Zamani nalikuwa mlevi. Mais aujourd'hui je ne bois plus. Sasa leo sikunywe tena pombe. Autrefois j'étais fumeur. Zamani nilikuwa navuta tumbako. Aujourd'hui je ne fume plus. Leo nisivute tena tumbako. Parce que la grâce de Dieu m'a délivré. Juu neema ya Mungu inanikomboa. Autrefois. Zamani j'étais coureur de jupons. Nilikuwa msharati. Mais aujourd'hui je ne le fais plus. Sasa leo sifanye tena. Parce que la grâce de Dieu m'a délivré. Juu neema ya Mungu inanikomboa. Nous prêchons la grâce qui délivre. Kuna ubiri neema ile kunakomboa. Pochons la grâce qui libère. Tukuna ubiri neema ile kunakomboa inafanya watu. Pochons la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tukuna fundisha neema ile natufundisha kukatala uchafu. C'est cette grâce là que nous prêchons. Jo ile neema tukuna ubiri. Écoutez ce que dit. Musikilize ile nasemewa. Voici donc ce que je dis. Tazama basi ile mimi nasema. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Na ile mimi natangaza ndani ya Bwana. C'est que ni ya kwamba, vous ne devez plus marcher comme les païens. Amupashi tena kutembea sawa bapagano. Ne plus marcher comme les païens. Kuacha kutembea tena sawa bapagano. C'est un devoir divin. Ni mapasha ya Mungu. Un devoir divin. Mapasha ya Mungu. Si les parents se querellent, s'insultent, se battent, nous ne le ferons jamais. Kama bapagano beko na kokotana bana tukana na kupigana, sisi hatuwezi kuifanya. Si chez les païens, il y a des inimitiés entre eux, chez nous c'est l'amour qui doit régner. Kama katikati ya bapagano kukubu adui, lakini katikati yetu ni mapendo inapashi kutawala. Si les païens vont dans les bars, kama bapagano wanaenda mumbaba, dans les bois de nuit, mumbaba, nous n'irons jamais dans de tels endroits. Sisi hatuwezi kwenda kama pafazi ya vile. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amwezi tena kutembea sawa wapagano. Si les païens sont des escrocs, kama wapagano ni wakuibia, nous soyons honnêtes. Sisi tukwe wakunyoloka. C'est la vérité. Ni kweli. Si les païens, kama wapagano wanamuke, c'est prostitue, nous gardons notre virginité jusqu'au mariage. Sisi tuchunge bubikira yetu kufika na kuingia kundoa. Si les païens, kama wapagano, courent derrière les filles, beko nafata ba binti banamuke, nous réservons nous jusqu'au mariage. Sisi tulichunge kufika na pale tutaingia mundoa. Les relations sexuelles, kupatana mwili ya ndoa, c'est une exclusivité des mariés. Ni mambo iko naangalia paka benye kwa mundoa. Un célibataire, washipo kwa mundoa, qui le fait, mbalaka ule kuna fanya busharati, ni mwizi, c'est un tricheur, ni wakuibia, il n'a pas le droit de le faire. Ana na ruhusa kufanya busharati. Un homme ou une femme qui ne sont pas mariés, mwanamke wala mwanaume wasipo kwa mundoa, n'ont pas le droit de faire l'acte sexuel. Avana na ruhusa kupatana mumwili ya ndoa. C'est la vérité. Hii ni kweli. Rien que la vérité. Ni paka ukweli. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amupashi tena kutembea sawa bapagano. Frère, nduku, les païens n'ont pas de leçons à nous donner. Bapagano bana na mafundisho ya kutupatia. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Sisi ndio nuru ya ulimwengu. Nous ne pouvons pas envier les païens. Atuwezi kutamania bapagano. Commencez à chercher à parler comme les païens. Waanza kusema saba pagano. Commencez à chercher à s'habiller comme les païens. Utafuta kuvuala saba pagano. Non. Apana. C'est eux qui doivent nous imiter. Bonjo wanapashi kutufuatirisha. Parce que nous avons quelque chose que les païens n'ont pas. Dieu, tu connais qui, tu qui les va pagan ou avant nous. Nous avons Jésus. Si c'est tu connais Jésus, que le monde n'a pas. Bah, mudouni avant na Jésus. Écoutez, sigilizez. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amu pashi tena kutembea saba pagano. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Benye kutembea kufuatana na ubatili ya mawazo yabo. Un païen, mupagano, ce qui lui vient dans la tête, il fait. Ile na inukuya mukichwa anaifanya. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Si, c'est aina vile. Nous disons, Seigneur, tunamwambia Bwana, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mapenzi yako ifanike maisha yangu. C'est différent, frère. Inachana nduku. Peut plus marcher comme les païens. Atuwezi tena kutembea saba pagano. Qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Venye kutembea kufatana na ubatili ya mawazo yao. Écoutez maintenant ce que sont les païens. Musikilize kile bapagano beko. Verset 18. Kumina mnani. Ils ont l'intelligence obscurcie. Beko na akili yenye kutiwa magiza. Les païens. Bapagano. Ils ont l'intelligence obscurcie. Beko na akili yenye kutiwa magiza. En allemand. Muki allemand, ils ont les pensées obscurcies. Beko na mawazo ya giza. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Beko bakeni kumambo yenye kuelekea maisha ya Mungu, buzima ya Mungu. Nous vivons de la vie de Dieu. Sisi lakini tukunaishi buzima ya Mungu. Galates 2 verset 20. Wa Galatia 2 makumi mbili. J'ai été crucifié avec Christ. Nali sulubisho pamoja na Kristo. Si je vis, kama niko naishi, ce n'est plus moi qui vis. Aina tena mimi niko naishi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Lakini ni Kristo yuko naishi ndani yangu. Un homme sauvé. Mutu mwenye kuokolewa. Ne vit plus de sa propre vie. Asiishi tena maisha yake mwenyewe. Mais il vit de la vie de celui qui a su la sauver. Eko naishi maisha ya ule alimuokoa. C'est ça la vérité, frère. Jo ukweli ni ile nduku. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Beko bakeni kumaisha ya Mungu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Kwa ajili ya kutokujua ile kundani yabo. Un païen, c'est un ignorant. Mupagano ni mutu asipokujua kitu mujinga. Mais nous ne sommes pas ignorants. Lakini sisi hatuna bajinga. Parce que Dieu avait annoncé. Wani Mungu alitangazaka. La connaissance augmentera. Ufahamu itaongezeka. Et aujourd'hui, frère, nous avons la connaissance. Leo nduku tuku na ufahamu. Avec ce message, na hii ujumbe, nous avons la connaissance. Tuko na une grande ufahamu, connaissance. Ufahamu mkubwa. Des choses de Dieu. Ya bitu ya Mungu. Mais les païens sont ignorants. Ba pagano boni bajinga. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Na kwa ajili ya moyo yao mgumu. Bien mes frères et sœurs. Ba pendo banduku na badada. Il faut que chacun de nous comprenne. Inapashi kila mmoja wetu apate kuelewa. Que l'incompréhension. Ya kwamba kuelewa mbaya. C'est une intelligence obscurcie. Ni akili yenye kuwa na magiza. Ou des pensées obscurcies. Wala mawazo ya magiza. Et chaque fausse doctrine que vous connaissez sur la terre. Kila mafundisho yote ya bongo ile mnajua pa dunia. Est le produit d'une incompréhension de la parole. Inatokea mkukosa kusikiliza mzuri neno la Mungu. Toutes les fausses doctrines qu'il y a sur la terre. Mafundisho yote ya bongo ile kwa dunia. Sont une suite à une incompréhension de l'écriture. Inatokea mkuelewa kubaya kwa maandiko. C'est pourquoi quand Dieu vous fait grâce. Ndio kwa maana kama Mungu anamefanyia neema. De comprendre toutes choses correctement, louez le Seigneur. Ya kuelewa vitu vyote mzuri mzuri, mumusifu Mungu. Ça n'est pas donné à tout le monde. Aipewe kwa watu wote hapana. Au temps de la fin. Wakati ya mwisho. La compréhension correcte. Kuelewa kwa kuelewa. Réservé qu'aux vierges sages. Il a chungi watu paka kubabikira safi. C'est vrai, frères et sœurs. Ni kweli ndugu na dada. Quand vous ne comprenez pas la parole, wakati ile uelewe neno la Mungu, vous êtes en mesure de répandre un bruit qui n'est pas la vérité. Ukumukimu awe kuzambarisha makelele asipokuwa ukweli. L'incompréhension peut vous amener à soutenir un bruit. Kuelewa kubaya kunaweza kusukuma upate kushimamia makelele ya bule. Et pourtant c'est pas la vérité. Japo haina ukweli. Et vous aussi répandez ce bruit là-bas, vous vous y tenez et pourtant ce n'est pas la parole. Unaweza hata kuzambarisha ile makelele japo haina hata neno la Mungu. Je vous donne un exemple. Na mipatia mfano. Prenez votre Bible. Mchukue Biblia yenu. Dans Jean 21 verset 20 à 24. Mu Yohane 21 12 12 na 4. Jean 21, 20 à 24. Yohane sura makumi mbili na moja, kuanzia makumi mbili kufika makumi mbili na ine. Pierre s'étant retourné, Petro kesha kugeuka, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, akaona kuja ule mwanafunzi ule Yesu alimpenda, celui qui pendant le souper, ule mwakati ya chakula magharibi, s'était penché sur la poitrine de Jésus, alilala mukilari ya Yesu, et avait dit, na alisemaka, Seigneur, qui est celui qui te livre? Bwana, ni nani ula takutoa? En le voyant, kisha kumuona, Pierre dit à Jésus, Petro akamwambia Yesu, et celui-ci, eti, ni uyu, Seigneur, Bwana, que lui arrivera-t-il? Uyu, ni nini ile tamufikia? Donc il demandait au Seigneur des gens, qu'est-ce qui va lui arriver? Alikuwa anauliza Yohane, ni nini tamufikia? Maintenant écoutez, tasa musikilize. Jésus lui dit, Yesu akamujibu, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Kama mimi napenda abakie mjima kufika na pale nitarudia, wewe ni mambo kani? Toi, wewe, suis-moi. Unifuate tu. Jésus n'a pas dit que Jean sera vivant jusqu'à ma venue. Yesu ashikusema asema Yohana atabakia mzima kufika na pale tarudia. Jésus a dit, Yesu alisema, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Kama mimi napenda abakie mzima kufika na pale nitarudia, wewe ni mambo kani? Toi, suis-moi. Wewe unifuate tu. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Là-dessus, pale les bruits courus parmi les frères. Makelele kazambalala katikati ya banduku. Que ce disciple ne mourrait point. Ya kwamba huyu mwanafunzi asitakufuaka. Cependant, japo Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Yesu ashikumwambia Petro ya kwamba Yohana asitakufuaka, hapana. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qu'importe? Sasa kama mimi napenda bakie mzima na pale nitarudia, wewe ni mambo kani na kuangalia? Voilà comment un faux bruit est répandu suite à une incompréhension de la parole du Seigneur. Munaona namna kani makelele ya bongo bali zambarisha juu ya kukosa kuelewa mzuri kwa vile Bwana alisema. Quand Dieu parle, soyez attentifs à la parole. Wakati Mungu yuko nasema muteke sikio kuneno la Mungu. Seigneur n'a pas dit à Jean, Bwana Mungu ashikusi. Il n'a pas dit à Pierre que Jean ne mourra pas. Bwana Yesu ashikumwambie Petro asema Yohana asitakufaka, hapana. Mais il a dit, si je veux qu'il demeure, alisema, kama mina penda, abakie jusqu'à ce que je vienne, ufika na pale ntarudia. Que t'importe? Weye, ni mambo kani? Toi? Weye tu? Suis-moi. Unifate. Et les disciples wanafunzi ont répandu un bruit balizambarisha imakelele que Jean ne va pas mourir. Ya kwamba Yohane hasta kufuaka. Mais Jean est mort. Diapo, Yohane alikufa. Frère, Nduku, ne répandez jamais les bruits, répandez la bonne nouvelle. Usizambarishe makelele ya bula, lakini uzambarishe l'église a reçu le mandat de répandre seulement la bonne nouvelle. Kanisa ilipokea kazi ya kuzambarisha habari njema. L'église n'a pas reçu le mandat de répandre les bruits. Haikupokea kazi ya kuzambarisha makelele. C'est vrai. Ni kweli. Et cela suite à une incompréhension. Ile ni kukosa kuelewa kuzuri. Quand vous prenez Matthieu 16, mukichugua Matayo, sura 16, verset 27 à 28, makumi mbili na saba kufika makumi mbili na mnani. Matthieu 16, 27 à 28, Matayo 16, makumi mbili na saba makumi mbili na mnani. C'est toujours le Seigneur qui parle. Ni paka Bwana yeko nasema. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Kwani mwana wa mtu anapaswa kuja tokea utukufu ya baba yake. Avec ses anges. Pamoja na ba malaika yake. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Na kisha talipa kila mmoja kufuatana na makazi yake. Je vous le dis en vérité. Na miambia kweli kweli. Quelques-uns de ceux qui sont ici bamoja katikati ya wale wako hapa ne mourront point. Abatakufa kamwe. Qui n'a vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Bila kuona mwana wa mtu kuja mutukufu yake mutawala yake. Son règne ici utawala yake hii c'est le millénium. Ni utawala wa miaka elfu. Le règne c'est le millénium. Utawala hii ni utawala wa miaka elfu. Donc quand vous lisez ça, kama unasoma hii, vous allez comprendre comme si ces disciples là allaient être vivants sur la terre jusqu'au règne millénaire. Unaweza kuelewa kwamba saa au wanafunzi barapashi kwa wazima kufika na pale Bwana Yesu atarudi. Regardez comment Dieu a accompli cette parole. Muone namna kani Mungu alitimiza hii neno. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura yake ya kwanza. Verset 9 à 10. Mustari ya kenda kufika na ukumi. Apocalypse 1, 9 à 10. Ufunuo moja, kenda kumi. Moi, Jean, votre frère. Mimi Yohane, nduku yenu. Et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Mwenye kushiriki na mwenye kumateso na kufanume na kukudumu ndani ya Yesu Kristo. J'étais dans l'île de Patmos, dans l'île appelée Patmos. Nalikuwa mkisanga ile wanaita Patemo. À cause de la parole de Dieu. Kwa ajili ya neno la Mungu. Et du témoignage de Jésus. Na kwa ajili ya ushuda ya Yesu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nalibebwa katika roho musiku ya Bwana. Le jour du Seigneur, c'est le jour pendant lequel le Seigneur régnera sur la terre. Siku ya Bwana ni siku ile Bwana tatawala pa dunia. C'est-à-dire le jour de 1000 ans. Manake ni siku ya utawala wa miaka elfu. Le règne millénaire. Utawala wa miaka elfu. Et Jean fut ravi à l'esprit dans le jour du Seigneur. Na Yohana alinyanyura katika Rome ile siku ya Bwana. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nikasikiliza nyuma yangu sauti mkubwa sawa ya parapanda mkubwa. Et Frère Branham explique ça dans la vision de Patmos. Ndugu Branham anafasilia muiono ya Patemo. Il dit remarqué, il était ravi dans le jour du Seigneur et il entendait la voix derrière lui, c'est-à-dire la voix retentissait pendant les âges de l'église. Atazama ya kwamba alinyanyuliwa mu utawala wa miaka elfu na akasikia nyuma yake sauti kalia mutukufu wa Yesu. Donc les anges de l'église sont derrière le jour du Seigneur. Manake numbizazi ya kanisa yenye kwa nyuma ya siku ya Bwana. Parce qu'après le jour du salut, c'est le jour du Seigneur qui vient. Kisha siku ya wokovu ni siku ya Bwana ndio kuna kuja. C'est comme ça que cette écriture, bien, ce que le Seigneur avait dit, hein, c'est accompli. Mais quand quelqu'un comprend de manière terre à terre, de manière littérale, il comprendra que ses disciples seront vivants jusqu'au jour du Seigneur. Une prophétie de l'écriture ne doit pas être interprétée. Elle doit être vue dans son accomplissement. Unapashi kuiona mukutimilika kwa hiyo. De Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. De Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. Verset 20 à 21. Makumi mbili kufika na makumi mbili na moja. Sachant tout d'abord vous-même Venye kujua kwanza mwe venyewe qu'aucune prophétie de l'écriture ya kwamba kusikwe unabii hata moja ya andiko ne peut être un objet d'interprétation particulière. Haipashi kuwa shina ya matafsiri ya upekee. Il y a une différence entre les prophéties, la prophétie de l'écriture et les prophéties qui sont données dans les églises. Kuko achanisho katikati ya unabii ya andiko na maunabii wanaleta mkanisa wala matabiri. Les prophéties de l'écriture, unabii ya andiko, sont des prophéties que vous trouvez dans la Bible. Ni maunabii yenye kupatikana mu Biblia. Quand la Bible dit dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Wakati Biblia nasema masiku ya kumwisho kutakuwa manyakati ya nguvu. Watu watakuwa na choyo. Wenye upenda fedha na vinginevyo. C'est une prophétie de l'écriture. Hii ni unabii ya andiko. Quand la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, ainsi de suite. Wakati Biblia nasema c'est une prophétie de l'écriture. Mtetemeko ya dunia na njama na njana. La Bible dit ni unabii andiko. Aucune prophétie de l'écriture. Biblia nasema kusikuwa nabii hata moja ya andiko. Un objet d'interprétation particulière. Haipashi kuwa shina ya utafsiri ya upekee hapana. Elle doit être vue dans son accomplissement. Unapashi kuiona wakati ile inatimilika tu. Et lors de l'accomplissement d'une prophétie de l'écriture, wakati ya kutimilika kwa andiko, c'est Dieu lui-même qui est son propre interprète. Ni Mungu yeye mwenyewe ndio mtafsiri wa ile unabii ya andiko. Il n'y a personne qui peut se permettre d'interpréter une prophétie de l'écriture. Vous allez échouer. Hakuna mtu akwezi kutafsiri unabii ya andiko. Une prophétie de l'écriture quand elle sort, unabii ya andiko wakati natoka, attendez-la seulement. Muichunge tu itimilike. Et son interprétation, na utafsiri wayo, c'est son accomplissement. Ni kutimilika kwayo. C'est au moment de l'accomplissement que cette parole devient lumière. Ni wakati ile neno inatimilika ndio inakuwa nuru. Car kwani? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Aina kwa mapenzi ya mtu unabii letwa. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alakini ni yenye kusukuma na Roho Mtakatifu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Njo pale batu balisema kwa upande ya Mungu. Ces gens-là, bale batu, qui ont prophétisé, bale baritabiri, c'était le Saint-Esprit qui parlait en eux. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu ilikuwa anasema ndani yao. Il n'y a que le Saint-Esprit qui confirmera sa parole. Ni paka Roho Mtakatifu ndio atatimiza neno lake. On n'a pas le droit de l'interpréter. Hatuna na ruhusa ya kuitafsiri. Aujourd'hui, beaucoup de gens Léo y va tout mingi sont tombés en faillite Barianguka à cause de l'effort qu'ils fournissaient pour interpréter les prophéties de l'écriture. Kwa ajili ya nguvu ile walikuwa nafanya juu ya kutafsiri maunabii ya maandiko. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui des gens qui sont enlevés. Ndio kwa maana leo tunakuta bantu wengine wanasema tuishi nyanyuliwa avant le temps. Mbele ya wakati. D'autres sont dans les millénaires. Mutawala wa miaka elfu. Avant le temps. Mbele ya wakati. D'autres même sont arrivés dans l'éternité. Wengine wao unasema wanaisha ufika katika umilele. Et ils ont fermé l'église. Na wanaisha funga kanisa. Et l'église qui est à Kinshasa du message soit kanisa moya ile ku Kinshasa na kayu tabernacle. Banaita sema ribo mweupe ya tabernacle. Ils étaient toujours en avance. Baruko paka kumbele. Ils étaient dans les faits. Baruko wanaisha nyanyuliwa. Ils sont montés, ils sont arrivés dans les millénaires. Wanaisha kupanda na kufika mutawala wa miaka elfu. Ils sont montés aujourd'hui sont dans l'éternité. Banapanda leo weko katika umilele. Dans l'éternité il n'y aura plus d'église. Banasema muumilele amuna tena kanisa. Alors ils ont fermé l'église. Ndio pale wanafunga na kanisa. Ils disent que là dans l'éternité nous sommes des dieux, on s'adore soi-même. Banasema mule muumilele tunakuwa miungu tunaanza kujiabudu sisi wenyewe. Et c'est fini. Na kuna malizika. Et ces choses là, toutes ces folies là, il n'y a que les vierges folles qui les entendront. Oui mama bazimu ni paka babikira bumbafu ndio batabasikiliza. Les sages n'écouteront que la parole de vérité. Venye kima watasikiliza paka neno la kweli. C'est la vérité, frères et sœurs. Ni kweli ndugu na dada. On ne doit pas interpréter de façon particulière une prophétie de l'écriture. Hakuna namna kutafsiri unabii ya andiko hapana. C'est vrai. Ni kweli. Je prends une autre écriture. Nachukua andiko lingine. 1 Corinthiens 15. Wa Korinto wa kwanza sura 15. 51 à 52. 51 hadi 52. 1 Corinthiens 15 51 52. 15 ya Korinto wa kwanza. Voici, je vous dis un mystère. Tazama na miambia siri. Nous ne mourrons pas tous. Hatutakufa sisi wote hapana. Mais tous nous serons changés. Alakini sisi wote tutabadilishwa. En un instant, kwa ghafla, En un clin d'œil. Kwa kupika kwa licho. À la dernière trompette. Kwa parapanda ya mwisho. La trompette sonnera. Parapanda italia. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Na wafu watafufuka basipo kuoza. Et nous. Na sisi. Nous serons changés. Tutabadirishwa. Regardez celui qui parle ici, c'est Paul. Tazame huyo konasema hapa ni Paulo. Mais Paul est mort. Alakini Paulo anesha kufa. C'est Paul qui parle là-bas. Ni Paulo yeko nasema hapa. Il dit les morts ressusciteront incorruptibles, mais nous serons changés. Anasema wafu watafufuka bila kuoza. Sisi tutabadilishwa. Si tu regardes ça de façon intellectuelle, ukiangalia tu na akili ya kibutu, tu diras que Paul a menti. Utasema Paulo analongofia. Oh, Paul n'a pas menti. Japo Paulo asikuseme bongo. Il s'agissait là d'une parole intemporelle. Ilikuwa ni neno ya nyakati. C'est-à-dire une parole qui n'était pas liée seulement à ce temps-là, qui devait s'accomplir dans le futur. Manake ni neno ile ilikuwa yenye kuambatana na ile wakati ilipashi utimiliko masiku mwingi. Même si Paul ne sera pas présent, hata kama Paulo hasta kuyaka, mais cette parole devait s'accomplir vis-à-vis de ceux qui croient comme Paul. Lakini ile neno itatimilika kumbele ya wale wenye kuamini sawa Paulo. Une parole intemporelle. Ni neno ya wakati takuja. C'est-à-dire, cette parole a couru pendant tout le temps ici. Manakele neno ilikuwa na bei yayo mwi wakati yote. Et par la grâce de Dieu. Wa neema ya Mungu. Elle s'accomplira avec nous dans cette génération. Itatimilika na sisi mwi kizazi. Paul est parti. Paulo aneshaenda. Mais jusque ce soir. Ufike na magharibi ya leo. Nous continuons à dire. Tunaendelea kusema. Nous ne mourrons pas tous. Hatutakufa sisi wote. Et vous allez voir. Mutaona. Parmi nous et ceux qui disons, nous ne mourrons pas tous. Katikati yetu sisi tunasema hatutakufa shiboti. Il y a de ceux-là qui vont mourir. Huku na wale watakufa. Mais aussi ceux-là. Huku na wale. Qui verront le Seigneur revenir. Bataona Bwana Yesu kurudia. C'est une parole intemporelle. Ni neno ile kunaendelea. Et qui s'accomplira dans notre génération. Il est atimilika mukizazi yetu. Mais si un intellectuel. Kama mtu waya akili ya mumuntu. Il dira Paul a menti. Atasema Paulo analanga. Oh, Paul n'a pas menti. Japo, c'est par l'esprit de Dieu qu'il parlait. Ni kwa roho ya Mungu ndio alikuwa anasema. Et cette parole s'accomplira. Na hii neno itatimilika. Bien mes frères. Mapendo manduku. Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Mungu yeye mwenyewe anakesha yule aneno lake juu ya kuitimiza. Et laissez-moi vous dire. Mwache niye miambie. Dieu ne mentira jamais. Mungu hawezi kamwe kusema uongo. Et Dieu n'échouera jamais. Na Mungu hawezi kama kushindwa. Quand Dieu prononce une parole. Mungu akisema neno. Même si vous ne la voyez pas s'accomplir. Hata kama uione kutimilika. Croyez que c'est la vérité. Waamini asema ni kweli. Dieu accomplira sa parole à sa manière. Mungu atatimiza neno lake munamna yake. Pas à notre manière. Apana munamu na yetu sisi apana. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. Je prends Jacques 5, 7 à 8. Nachugua Yakobo. Jacques. Yakobo. 5, 7 à 8. Tano, saba kufika na mnamu. Ça c'est Jacques maintenant. Ni Yakobo sasa. Il dit ceci. Ansema hivi. Soyez donc patients, frère. Muwe wavumilivu banduku. Jusqu'à la venue du Seigneur. Kufika na. Ou jusqu'au retour du Seigneur. Kufika na mukurudi kwa Bwana. Voici le laboureur. Tazama mukulima. Attends les précieux fruits de la terre. Et on a tunga matunda mazuri ya bulongo. Prenant patience à son égard. Mwenye kuivumilia. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Ufika na pale tapokea mvula ya kumwanjo na ya kumwisho. Vous aussi, Jacques s'adresse aux gens de son temps. Na mwenye pia, yo, Yakobo anambia batu ba wakati yake. Vous aussi. Anasema na mwenye. Soyez patient. Mwe bavumilivu. Affermissez vos cœurs. Mwe na uvumilivu. Car la venue du Seigneur est proche. Kwani kuja kwa Bwana ni karibu. C'est comme si. Iku sawa. Ces choses. Ibibitu. Allaient arriver en leur temps. Bitafika mwi, bilipashi ufika mwi wakati yabo. Toute cette génération est partie. Iki zazi yote ilipita. Mais cela n'est pas arrivé en leur temps. Aikufike mwi wakati yabo. Mais vous allez voir. Mutaona. Que la pluie de la première. Ya kwa mwa. Et de la dernière saison. Tomberont dans notre temps. Na kumwisho itanguka mwi wakati yetu. C'était des paroles intemporelles. Ilikuwa ni maneno ile tatimilika mwakati yote ya kuendelea kumbele. Et c'est dans notre temps que ce que Jacques dit ici arrivera. Ni mwakati yetu hii Yakobo yuko nasema njoo itatimilika. Avant l'enlèvement. Mbele ya kunyanyuliwa. Pluie de la première et de la dernière saison. Vula ya kumwanjo. Tomberont ensemble. Ya kumwanjo na ya kumwisho itanguka pamoja. Et le Seigneur viendra. Na Bwana atakuja. C'est nous qui vivrons ça. Nisi sinjo tutabiishi. Parce que Dieu l'a promis. Dieu mungu alibilaka. Frère Branham disait. Donc Branham a quoi nasema? Dans beaucoup de déclarations. Mumisemo yake ya mingi. Même le frère Frank avant sa mort ici l'a repris ça plusieurs fois. Nanduku Frank mbele ya kufa alisema mara mingi. Il dit les pluies de la première de la deuxième saison tomberont ensemble. Anasema mvule ya kumwanjo na ya kumwisho itanguka pamoja. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alipenda kusema nini? Que ce soit le frère Branham. Mais ikuwa nduku Branham. Que ce soit le frère Frank. Wana nduku Frank. Il voulait dire que baripenda kusema ya kwamba dans ce temps de la fin oui, wakati ya kumwisho, l'épouse du temps de la fin bibi harusi wakati wa mwisho la double portion de la puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte akapokea sehemu mara mbili ya uwezo ile ilianguka msiku ya Pentecosta. La puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte. Il est où est-ce qu'il y a un casque à Pentecôte? Par rapport au temps de la fin. Donc, on galère moi quand il y a moins chaud. Est appelé pluie de la première saison. Inaitwa vula ya kumwanjo. Et la puissance réservée pour nous. Na il est où est-ce qu'on a tout chungia? Est appelé pluie de l'arrière saison. Banaita ni vula ya kumwisho. Avant l'enlèvement. Mbele ya kunyanyuliwa. Ces deux pluies là. Il est manvula yote mbili. Tomberont ensemble. Itanguka pamoja. C'est pourquoi l'épouse du temps de la fin. Na bibi harusi wakati wa mwisho. Sera plus glorieuse que l'épouse du commencement. Atakuwa wa utukufu kushindia bibi harusi wa kumwanjo. Cela n'annule pas. Ile ayeondoshe. Que maintenant déjà. Ya kwamba tapa sasa. La pluie de l'enseignement est en train de tomber. Vula ya kumwanjo ikunanguka. Ou les mourés. Pardon? Les mourés, mourés. Mourez, mourez, répétez les termes là. Mourez. Je vais l'expliquer. Ah, t'as facilité à badai. C'est dans l'application de la parole par la semence originelle. Ah, ni mumaubiri, neno yangu semeo ni mbeko akumwanjo. Frère Branham appelle la pluie de l'enseignement le mourez. Donc Branham anasema mvula ya kumwanjo ni mourez. C'est-à-dire la pluie de l'enseignement ou la pluie de l'ensemencement. Ah, mvula ya kumwanjo wala ya kuotesha. Ça, I, ça tombe maintenant. Ikunanguka hapa sasa. Nous recevons l'enseignement. Tout qu'on a poké à ma fondation. Nous recevons l'enseignement. Tout qu'on a poké à coupando ambeko. Et la pluie de la rien saison. Ça s'enfoule à kumwisho. Est appelé le kenos. Il a eu toi tenos. Le kenos signifie. Kenos manaki. Lui-même s'est déversant. Yemunye wana jipunguza. C'est à la pluie de la rien saison. On voulait à kumwisho. La plénitude du Saint-Esprit. Tel est Rome tagatifu. Sera déversée dans l'église épouse. Itapunguzi wa mukanisa bibi. C'est ce qui manifestera la différence entre l'épouse et les vieilles folles. Joy letaleta chanisho katikati ya bibi harusi na babikira bumbafu. Maintenant, sasa, il y aura deux portions. Utakuwa na sehemu mbili. La portion de la Pentecôte du commencement. Sehemu ya Pentecôte ya kumwanjo. Et la portion du temps de la fin. Na sehemu ya wakati ya mwisho. C'est-à-dire, ça sera la double mesure. Manake takuwa kipimo mara mbili. De la puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte. Ya uwezo ile ilianguka siku ya Pentecôte. Vous avez remarqué dans Job 42. Mutaona muyobo makumi ine na mbili. Quand Dieu avait rétabli Job. Wakati Mungu alimurudisha Job. Il a rétabli Job deux fois plus que ce qu'il possédait. Alimurudisha Job mara mbili kushindia ile alikuwa nayo kumwanjo. Et Job, elle était de l'église épouse au temps de la fin. Yobo ni picha kanisa bibi harusi wakati wa kumwisho. L'épouse du temps de la fin. Mkani bibi harusi wakati wa mwisho. C'est double de l'épouse du commencement. Atapokea mara mbili ya bibi harusi wa kumwanjo. C'est pourquoi l'épouse du temps de la fin. Joko mara bibi harusi wakati wa mwisho. C'est plus glorieuse que l'épouse du commencement. Atakuwa wa utukufu kushindia bibi harusi wa kumwanjo. C'est ce que le frère Branham, même le frère Frank, voulait dire, par la pluie de la première génération, tomberont ensemble. Jokile, ndugu Frank, na ndugu Branham, barukwa nasema ya kwamba mvula ya kumwanjo na kumwisho itanguka mara moja pamoja. Bien aimés frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. Dieu est le seul sage qui soit. Mungu peke yake ndio wa hekima ule kwako. Et son dessein n'échouera jamais. Na makusudi yake hayezi kamwe kushindwa. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Quand vous ne comprenez pas ce que Dieu dit dans la parole prophétique, kama uelewe kile Mungu yuko nasema muneno ya unabii, vous serez en mesure d'attribuer à Dieu un mensonge. Unaweza kwa mkimo ya kusema kwamba Mungu analongofia. Vous serez en mesure d'attribuer des fautes à Dieu. Utakuwa mkimo ya kumpatia Mungu kosa. Dire non. Hapana. Là, il a menti. Hapa anakotola. Dieu lui-même comprend mieux sa parole que quiconque sur la terre. Mungu yeye mwenyewe yuko naelewa mzuri neno lake kushindia mtu wote pa dunia. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe, il comprend sa parole mieux que quiconque sur la terre. Eko naelewa neno lake kushindia mtu wote pa dunia. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Tampacha mfano Biblia. Vous allez voir, apparemment c'est comme si Dieu avait menti. Utaona ya kwamba iku sawa Mungu alilongofia. Mais en réalité Dieu ne ment jamais. Katika ukweli Mungu hawezi kulongofia. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Eko na kesha yulu ya neno lake Dieu kuitimiza. Prenez votre Bible frère. Mchugue Biblia nunduku. Dans 1 Roi chapitre 19. Mwafalme wa kwanza sura 19. Verset 15 à 16. Musari ya 15 kufika na 16. 1 Roi 19. Wafalme wa kwanza 19. Verset 15 à 16. 15 kufika na 16. L'Éternel lui dit. Yehova kasema. Ici Dieu parlait à Élie le Tishbite. Hapa Mungu alikuwa anasema na Elia Mutishibi. Va. Wende. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Uchugue njia kumule mujango kufika na Damas. Et quand tu seras arrivé, wakati lo tafika, tu rendras Azaël pour roi de Syrie. Utampaka la mafuta Azaël sawa mfalme wa Syria. Tu rendras aussi Jehu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Utampaka la pia Jehu, mwana wa Nimshi, sawa mfalme wa Israeli. Et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Utampaka mafuta pia Elisha, mwana wa Shaphat, d'Abel Mehola. Sawa nabi wa paile fazi. Assemblée de Kambove. Kanisa ya Kambove. Dieu. Mungu. Parle à Eli le Tishbite. Anamwambia Elisha Mutishibi. Eli. Elia. Va. Wende. Tu vas rendre Azaël, roi de Syrie. Umpakale mafuta Azaël, mfalme wa Syria. Toujours toi Eli. Paka we Elia. Tu rendras Jehu. Utampaka mafuta Yehu, roi d'Israël, mfalme wa Israeli. Toujours toi Eli. Paka we Elia. Tu rendras Élisée prophète à ta place. Utampaka Elisha nabi pa fazi yako. C'est ainsi dit le Seigneur. Ini hivi Bwana Mungu anasema. Mais vous verrez que dans l'accomplissement, mutaona kwamba mukutimilika toutes ces choses. Ibi bitu byote ibi. Eli n'a rien fait. Elia asikufanya kitu. Donc en réalité, si on veut juger de façon intellectuelle, Dieu a menti. Ukibifata na akili ya bumuntu, tona sawa Mungu analongofia. Oh, le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu qui ne ment pas. Japo, uyu Mungu tukunahubiri ni Mungu ulaweze kulongofia. Je vais vous montrer que Dieu est le seul sage qui soit. Tamionesha kwamba Mungu njo wa hekima peke yake. Parce que Dieu va accomplir sa parole ici dans la simplicité, mais à sa manière. Mungu atatimiza ineno katika unyenyekevu lakini munamna yake. Toi tu peux dire là-bas non, il a dit à Élie, Élie n'a pas fait ça, donc c'est un mensonge. Wow, moi je ne crois pas. Alimwambia Elia, Elia sikufanya hivi, kumbi ni bongo, sitabiamini. Il faut être prudent avec la parole prophétique. Inapashi kusopoka na neno ya unabii. Très prudent avec la parole prophétique. Kusopoka sana na neno ya unabii. Dieu l'accomplit à sa façon. Mungu eko na itimiza munamuna yake. Mais remarquez comment Dieu va accomplir ces trois choses. Tazameni namna gani Mungu atatimiza bibi tatu. Prenez 2 Rois 8:8-15. Mchugu wafalme wa pili munane munane kufika na 15. D'abord pour Azaël, roi de Syrie. Kwanza kwa Azaël, mfalme wa Syria. Tu rendras Azaël, roi de Syrie. Utampaka mafuta Azaël, mfalme wa Syria. Vous ne ferez même pas quelqu'un prendre de l'huile mettre sur Azaël. Mais il était devenu roi. Hautaona mtu kumpaka Azaël mafuta lakini alikuwa mfalme. 2 Rois 8. Wafalme wa pili munane. Mustari ya munane. A 15. Kufika na 19. Le roi dit à Azaël. Mufalme akamwambia Azaël. Prends avec toi un présent. Uchugue sa zawadi. Et va au devant de l'homme de Dieu. Na wende mbele ya mtumishi wa Mungu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Umuulize Yehova kupitia yeye ya kwamba nitapona kwa hii magonjwa. Azaël alla au devant d'Élisée. Azaël akenda mbele Elisha. Prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. Mwenye kwenda na zawadi na yote ya mzuri mule ku Damas. La charge de 40 chameaux. Na gari ya mangamia makumi ine. Lorsqu'il fut arrivé, wakati alifika, il se présenta à lui et dit, akasimama mbele yake na kusema, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, mtoto yako Ben-Hadad, mfalme wa Syria, m'envoie vers toi pour dire, alinituma mbele yako kuja kukuambia, guérirai-je de cette maladie? Eti nitapona kwa hii magonjwa? Élisée lui répondit, Elisha kamwambia, wende, tu guériras, umwambia kwamba atapona. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Alakini Bwana Mungu ananifunulia sema atakufa. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Mtumishi wa Mungu akamwangalia Azael. Et le fixa longtemps. Akamwangalia muda mrefu. Puis il pleura. Kisha akalia. Azael dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Azael akasema, juu ya nini bwana wangu unalia? Élisée répondit. Elisha akajibu. Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Juu mimi najua bibaya bila utafanyia watoto wa Israeli. Tu mettras les feux à leur ville forte. Utaweka moto pa muji yabo ya nguvu. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Utaua na mpanga babiana babo. Tu écraseras leurs petits enfants. Utaponda bajugu yabo. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Na utapasula matumbo ya babibi yabo wenye kwa na mimba. Azael akasema. Mais qu'est-ce que ton serviteur ces chiens pour faire de si grandes choses? Ah, ni nini mtumishi wako imbwa afanye bitu ya hivi? Élisée dit. Elisha akasema, regardez, tu rendras Azael pour roi. Tazama utampakala Azael sawa mfalme. Elisha akasema, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Yehova ananifunulia kwamba utakuwa mfalme wa Suria. Azael quitta Élisée. Azael akamwacha Elisha. Et revint auprès de son maître. Akarudia kwa bwana wake. Voilà comment Dieu accomplit cette écriture. Munaona namna kani bwana Mungu anatimiza hii andiko. Et remarquez, ça s'accomplit non avec Élie le Tishbite. Tazama anaitimiza pana na Elisha Mtishbite. Ça s'accomplit avec Élisée parce que Élisée avait l'esprit d'Élie sur lui. Ashikuitimiza na Elia lakini alitimiza na Elisha juu Elisha alikuwa na roho ya Elia. Quand Dieu parlait à Élie le Tishbite. Wakati Mungu alikuwa anasema na Elia Mtishbite. Malgré que Élie était parti. Hata vile Elia alienda. Dieu a vu que c'est Élisée ayant l'esprit d'Élie qui accomplira cette prophétie là. Mungu aliona kwamba ni Elisha mwenye kwa na roho ya Elia ndio atatimiza maneno haya. Frère, Dieu est le seul sage qui soit. Mungu ndio wa hekima ule kwako. Maintenant, regardons avec Jehu. Tazameni sasa na Jehu. Deuteronome 9:1-3. Wafalme wa pili 9. Deuteronome 9:1-3. Wafalme wa pili sura 9 mstari ya kwanza kufika kwa 3. Regardez comment ça s'est passé avec Jehu. Tazameni vile ilifanyika na Jehu. Élisée le prophète, Elisha Nabi, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, akaita mtoto Élisée, wa manabi, ni paka Elisha. Il dit, s'interrain. Akasema funga kiuno yako. Prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Uchugue inchupa ya mafuta uende mu Ramoth mu Galade. Quand tu seras arrivé, wakati utafika mule, vois Jehu. Mtafute Jehu, fils de Josaphat. Mwana wa Josaphat, fils de Nimshi. Mwana wa Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Utaenda kumulamusha katikati ya banduku yake. Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Na utamkokota mchumba kumpembeni. Tu prendras la fiole d'huile. Utachukua ile chupa ya mafuta. Que tu répandras sur sa tête et tu diras. Hiyo utampakala mkichwa na kusema. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Yehova anasema. Je toi roi d'Israël. Na kupaka mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Puis tu ouvriras la porte. Et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Kisha utafungula mulango na ukimbia bila kusimama. Prenons le verset 4-6. Mchukue mstari ya 4 kufika na 6. Le jeune homme serviteur du prophète parti pour Ramoth en Galate. Ukia na mtumishi wa nabii akaenda kule ku Ramoth. Quand il arriva. Wakati alifika. Voici le chef de l'armée était assis. Tazama mkubwa wa jeshi alikuwa mwenye kuketi. Il dit chef. Akamwambia mkubwa. Shemo atedi. Niko na kia kukuambia. Et je dis auquel de nous tous. Yeye akasema nani katikati ya sisi. Il répondit à toi chef. Akasema ni wewe chef. Je se leva et entra dans la maison. Yeye akasimama na kuingia mnyumba. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant. Na kiana kamwangia mafuta mkichwa na kusema. Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël. Hivi Yehova Mungu wa Israeli anasema. Je toi roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Na kupaka mafuta kwa mfalme wa Israeli katikati ya taifa Israeli. Ainsi la prophétie donnée par Élie là. Ile unabii le Elia alileta s'est accompli de cette façon. Inatimilika muina mna. Mais si tu regardes de façon intellectuelle. Ukiangalia na akili ya bumutu. Tu diras que ça c'est pas accompli. Utasema bikutimilike. Et remarquez ici. Tazameni hapa. C'est Élisée. Ni Elisha. Qui envoie un fils de prophète. Dieu anatuma mmoja wa watoto wa nabii. Le Seigneur dans sa bouche. Akaweka hivi bwana Mungu anasema mkinywa yake. C'était toujours Élie qui accomplissait. Ni paka Elia ndio alikuwa anatimiza maneno haya yote. Donc frère, duku, ne fabriquez pas l'interprétation de la parole. Ushitunge matafsiri ya neno la Mungu hapana. Attendez l'accomplissement de la parole. Uchunge tu kutimilika kwa neno la Mungu. Dieu n'échouera jamais. Mungu hawezi kamwe kushindwa. Dieu ne jouera jamais. Mungu hawezi kama kushindwa. Et remarquez maintenant avec Élisée dans deux rois deux. Tazameni sasa na Elisha muafani muapili mbili. Élie et Élisée. Élisha. En train de parcourir. Élie na Elisha bako na tembea. Ils allaient. Barikuwa naenda. Et Élisée dit à Élie. Elisha kamwambia Elia. Je te prie. Nakusi. Non, c'est Élie qui avait dit d'abord Élisée. Ni Elia alimwambia Elisha. Demande-moi ce que tu veux. Uniombe kile unahitaji. Fais que cela te soit donné de la part de l'Éternel. Ili ikupewe. Avant que je ne sois enlevé au-dessus. Ikupewe kwa upande wa Yehova mbele ya mimi kunyanyuliwa. Élisée lui dit. Elisha kamwambia. Je veux que la double portion de l'esprit qui est sur toi vienne sur moi. Mina penda mara mbili roho ile huko ndani yako ikwe juu yangu. Élisée lui dit, Elia kamwambia, tu me demandes une chose difficile. Unanilomba kitu kya nguvu sana. Mais si tu me vois, alakini kama ukiniona, pendant que je serai enlevé au-dessus de toi, wakati ile nitanyanyuliwa yulu yako, cela te sera donné. Ile itakupewa. Et pendant qu'il marchait, wakati ile alikuwa anatembea, le char de feu vert, gari ya moto ikakuya, et enleva Elie. Ikamnyanyua Elia. Elisha vit Elie monter. Elisha kamuona Elia kupanda. Il dit, mon père, mon père. Baba yangu. Char d'Israël et sa cavalerie. Gari ya Israeli na jeshi yake. Elie est parti. Elia kaenda. Et Elie laissa tomber son manteau. Elia akangusha koti yake. Élisée a ramassé le manteau d'Elie. Elisha kalokota koti ya Elia. Et la double portion de l'esprit d'Elie vint sur Élisée. Na, sehemu mara mbili ya roho ya Elia ikakuwa yulu ya Elisha. C'est de cette manière que Élisée a été ouvert. Ni mwile namuna Elisha alipakaliwa mafuta. Mais on n'a pas vu Élie prendre l'huile mettre sur la tête d'Élisée. Atukumuone Elia kuchugua mafuta na kumpaka Elisha hapana. Donc intellectuellement, mufatana mbumuntu. Vous pouvez croire que rien ne s'est fait. Unaweza kuanzia sema kufanyike kitu. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Lakini Mungu ni mwaminifu kuneno lake. Il accomplit fidèlement sa parole. Yeye anatimiza kabisa kabisa neno lake. Même l'enlèvement. Hata kunyanyuliwa. Ça ne se passera pas comme vous le voyez dans les films. Haitafanyika vile mnayoona kwa mafilme hapana. Parce que le film de l'enlèvement que les gens montrent. Ma film ya kunyanyuliwa ile bantu bako naonesha. On voit même des pilotes d'avion. Unaona tava pilote ba mu avion. Un pilote élu. Pilote mwenye kwa mteule. Il était là. Alikuwa anaongoza avion. Volant de l'avion. Wa avion. Enlèvement. Ananyanyuliwa. Le pilote disparaît. Pilote anapotea. Et l'avion va crasher. Na avion inaenda kuanguka. Un machiniste. Wa kuongoza ma train. Un machiniste au volant du train élu muteule, il disparaît anapotea, et le train déraille et tout le monde est averti qu'il y a eu enlèvement. Un chauffeur de bus gari, avec des clients remplis na bantu mugari, directement les clients voient le chauffeur disparaître bantu wanaona chauffeur anapotea, et l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement ne sera pas un événement alarmant. Aita kwa mambo ile ya kushitusha bantu. L'enlèvement, c'est un départ secret et soudain. Ni kwenda kwa ghafla na kwa siri. Donc, les gens ne sauront pas. Bantu watayua kintu. Sur toute la terre. Pa dunia mzima. Ceux qui remarqueront que l'enlèvement a eu lieu. Bale watatambua sema kunyanyuliwa kunafanyika. Ce sont les vierges folles. Ni babikira bumbafu. Nos frères négligents là. Banduku yetu ababa kusula bintu. Qui écoutent les mêmes enseignements que nous. Bale bako nashikia mafundisho moyo moyo pamoja nasi. Mais qui ne mettent pas cela en pratique. Alakini abaitumikishe. C'est eux qui remarqueront. Bonjour batavumbula. Oh. Oh. Frère Mbala n'est pas là. Ntuku Mbala le wana hapo. Je vais pêcher lui à la maison. Nenda mbele kwake kumlango. Il n'est pas là. Kufika kumlango anako. Sir. Dada. Où est le frère Mbala? Ntuku Mbala yuko wapi? Il était dans la chambre, mais je le vois pleurer. Shimon était dans la manne d'api. Ailleurs. Fashingine. Mais certes, il n'est pas là. Dada fulani anapo. Aujourd'hui, c'est un jour de culte. Mais on y chukwa kwendo kanisa. Allons au tabernacle. Kwendo kanisa. Goindai ne vient pas. Goindai na ashikui. On arrive chez dans la maison, il n'est pas là. Ceux qui remarqueront qu'il y a eu enlèvement, ce sont les vierges folles. Bale watavumbula sema kunyanyuliwa kulifanyika ni babikira bumbafu. Et le départ kwenda de l'épouse wa bibi harusi donnera la force ou la foi aux vierges folles pour résister à la bête. Itawapatia nguvu na uwezo na imani babikira bumbafu juu wapate kushindana na mnyama. Et vraiment pas Enoch et Noé comme vierge sage et vierge folle. Ndugu Branham achugua Enoch na Noah utawa bikira bumbafu na bikira wa hekima. Ilikaa Enoka itaelewe. Wakati Enoka alinyanyuliwa. C'est alors que Noé s'est mis à construire l'arche. Ndio pale Noa alianza kuchenga safina. Et Noé passait par la tribulation du déluge. Noa alipita mateso makubwa ya gariga. Mais Enoch avant le déluge, il est monté. Ah, Enoch mbele ya gariga, yeye alinyanyuliwa. L'épouse aussi avant la tribulation elle montera. Bibi harusi naye mbele ya mateso makubwa atanyanyuliwa. Mais les vierges folles alakini babikira bomba passeront par la tribulation. Batapita mu mateso makubwa. C'est comme ça que ça se passera. Jomu ile namuna vitafanyika. Donc Kambove sera comme elle est là. Kambove batakuwa peke yenye kulenga. Mais quelques frères et sœurs disparaîtront. Banduku fulani fulani na badada batapotea. Et ce sont les frères et sœurs qui resteront. Ni banduku na badada wale batabakia. Ils remarqueront que l'enlèvement a eu lieu. Jo batavumbula sema kunyanyuliwa kulifanyika. C'est pourquoi frère. Jo kwa maana ndugu. Soyez toujours prêts. Ukuwe tayari kila wakati. Parce que le Seigneur revient très bientôt. Bwana yuko na kuja sasa hivi. C'est la vérité frère. Ni kweli nduku. Bien mes frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. Je vous montre d'autres écritures. Tami patia maandiko ingine. Qui se sont accomplis. Ile ilitimilika. Mais les gens ne le comprennent. Alakini bantu abaielewe. C'est vrai. Ni kweli. Si je prends Matthieu 4. Matayo 4. Verset 13 à 16. Musari ya 13 16. Matthieu 4 13 à 16. Matayo sura 4 16. Je peux commencer au verset 12. Tuanzie musari ya 16. Kufika na 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Yesu kisha kupata habari ya kwamba Yohane habari mutoa, se retira dans la Galilée. Akadikokota mu Galilaya. Il quitta Nazareth. Akatoka mu Nazareti. Et vint demeurer à Capernaum. Akenda kuikala ku Capernaum. Situé près de la mer. Yenye kwa pembeni ya bahari. Dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Mujimbo ya Zabulon na Nephtali. Écoutez. Musikilize. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Ili ipate kutimilika ile litangaziwa na Isaïa nabii. Le peuple de Zabulon. Watu wa Zabulon. Et de Nephtali, Nava Nephtali, de la contrée voisine de la mer, Nava Jimbo pembeni ya bahari, du pays au-delà du Jourdain, ya inchi ya ile ngamba ya Yordano, et de la Galilée des gentils, na ya Galilée ya wa mataifa, ce peuple assis dans les ténèbres, bale batu benyo keti katika magiza, a vu une grande lumière, bariona ini nuru mkubwa, et sur ce qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, na yule ya bale barko benyo keti mukimvuria, la lumière s'est levée, nuru ikalamuka, ce qui était dans ce territoire. Bale barko mui jimbo. De Nephtali et de Zabulon. Ya Nephtali na Zabulon. Si tu la poses la question. Kama ukibaulisi. Vous avez vu une grande lumière se lever ici? Eti muriona kunuru mkubwa kulamuka pa ifashi? Et vous diront non, non. Tatangwambia pana tukuyoni. Même la nuit, en tout cas, il a fait très sombre. On n'a pas vu une grande lumière. Ata busiku mwenye kulikuwa ngiza sana tukuone nuru. Parce qu'ils attendaient l'accomplissement littéral de la prophétie. Barko anatunga kutimilika kwa kuonekana ku macho hivi kwa unabii. Oh, c'est long Dieu. Japo kufuatana la grande mungu. Lumière là, muru mkubwa ile. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Et effectivement, Akika, quand Jésus est arrivé dans ce territoire-là, wakati Yesu alifika mwile jimbo, ce que Isaïe avait dit fut accompli. Ile Isaïe alitangaza ilitimilika. Mais combien l'ont vu? Bangapi barimona. Seulement peu ont remarqué ça. Bakidoko tunjo bariona. Même aujourd'hui, frère, atana leo quand ndiku. Dieu accomplit sa parole, wakati Mungu yako natimiza neno lake, il n'y a que les élus qui le remarquent. Nifaka bateule njo batavumbula. Je vous enverrai Élie le prophète. Tamitumia ka Elia Rabbi. Élie est venu. Élie alikuja. Combien ont vu cette prophétie là? Bangapi bariona kutimilika hii unabii? Nous sommes ici à Kambove. Tuko humu mukambove. Combien ont vu? Bangapi baliona que Élie le prophète est venu. Ya kwamba Elia Nabii alikuja. Fait que beaucoup ne le savent pas. Et beaucoup disent d'abord, d'ailleurs, que le dernier prophète c'était Jean-Baptiste. Abaminge wao nasema nabii wa mwisho ni Yohana Mbatizaji. Et pourtant Élie est venu. Japo Élie alikuja. Élie le prophète c'était William Branham. Élie nabii alikuwa ni William Branham. Combien l'ont vu? Bangapi balimuona? Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Macho yenu ni aheri juu kunaona. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Masikio yenu ni aheri juu kunasikia. Heureux sont vos cœurs parce qu'ils gardent. Moyo yenu ni aheri juu kunachunga. Même lors de la première venue du Seigneur. Ata, kuja kwa kwanza kwa Bwana. Combien ont su que Jean-Baptiste c'était Élie? Bangapi bariyo asema Yohana Mbatizaji alikuwa Elia? Peu. Kidoko sana. Et le Seigneur a dit. Na Bwana alisema. Élie est venu. Élie alikuja. Mais ne l'ont pas reconnu. Abakumutambue. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Balimutende a vile varitaka. Dieu a accompli sa parole dans la simplicité. Mungu akonatimiza neno lake katika unyenyekevu. Beaucoup n'ont pas vu. Bamingi abakuone. Mais aux élus. Alakini kwa batembe. Le Seigneur l'a révélé. Bwana alibafunulia. Même aujourd'hui frère. Atana leo nduku. Beaucoup ne voient pas l'accomplissement des promesses. Bamingi abaone kutimilika kwa malako. Mais les élus voient l'accomplissement des promesses. Alakini bateule weko naona kutimilika kwa malako. C'est vrai. Ni kweli. Quand vous arrivez wakati mukifika dans Luc Muluka chapitre 16 Luka sura 16 Luc chapitre 16 Luka sura 16 aujourd'hui j'étais seulement dans la parole prophétique leo narikuwa tu paka muneno ya unabii afin que vous puissiez comprendre jumupate kuelewa que Dieu a accompli la parole à sa manière ya kwamba Mungu anatimiza neno lake munamu Luc 16:27-31 Luka 16:27 kufika na 31 écoutez sigilizeni le riche dit Mutajiri akasema, je t'ai pris donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères. Nakusi baba Ibrahim upate kutuma Lazare munyumba babangu juu niko na banduku yangu 5. C'est pour qu'il atteste ces choses. Ni Dieu apate kubakikishia maneno haya. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux de tourment. Juu nabo bashikwe pa ifwashi ya mangaiko. Abraham répondit. Abraham akajibu. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Beko na Musa na manabi bapate kubasikiliza. Il dit non père Abraham. Akasema apa na baba Ibrahim. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Kama mtu akutokea kubafu akaenda kule beko batatubu. Abraham lui dit. Abraham akamwambia. Si n'écoute pas Moïse et les prophètes. Kama bamusikilize Musa na manabi. Ils ne se laisseront pas persuader quand même. Quelqu'un des morts ressusciterait. Abaizi kuichika ataka mamufu akifufuka. Frère, nduku, ils étaient l'un dans le lieu de tourment. Alikuwa mmoja mfazi ya mangaiko. L'autre dans le paradis d'en bas. Mwingine mparadiso ya chini. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le paradis en bas et en haut. Du mwagano na kale mulikuwa paradiso ya chini na ya yulu. Dans le paradis d'en haut. Mparadiso ya yulu. Se trouvait seulement Enoch, Moïse et Élie. Pourquoi tu parles qu'Enoch, Moïse et Élie? Moussa na Elia. Et dans le paradis d'en bas, mon paradis sur Achini, se trouvaient tous les croyants de l'Ancien Testament depuis Adam jusqu'au voleur à la croix. Pourquoi ba teule wa tobagano na kale kanzo kwa Adam kufika na kuule Moïse wa kusalama. Mais après la résurrection du Seigneur, le paradis d'en bas a été supprimé. Kisha kufufuka wa Bwana paradiso ya chini bali itosha. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ni kwamba leo, quand quelqu'un meurt en Christ, il monte. Wakati mtu akikufa ndani ya Kristo atapanda. Et quand quelqu'un meurt croyant, il descend. Wakati mtu anakufa mpagano atashuka chini. Mais dans l'Ancien Testament, mwagano la kale, même si vous mourrez en croyant, vous descendez. Hata kama ukikufa mwaminifu utashuka tu. Le seul qui est mort et monté, c'est Moïse. Ula rukufa peke yake anapanda ni Musa. Elie et Enoch étaient montés parce qu'ils ne sont pas passés par la mort, ils sont montés vivants. Elie na Enoch balipanda jo bakufake balipandaka masima. Mais le seul mort de l'Ancien Testament qui était monté dans le paradis, c'était Moïse. Ah, moya tu la rukufa mwagano la kale na kufa na kupanda alikuwa ni paka Musa. Que dans tout l'Ancien Testament, il n'y a eu que trois personnes au paradis d'en haut. Jo kama ino afanye mwagano la kale, mule un paradis ya yumu ya lulu muyulu mulikuwa paka batatu. Le reste depuis Adam jusqu'au voleur à la croix. Quand il mourait, il descendait dans le paradis d'en bas, autrement appelé le Saint d'Abraham. Les prédicateurs ignorants que j'ai entendu. Oh non, notre frère. Maintenant, il est dans le sein d'Abraham. En train de se reposer. Le sein d'Abraham n'existe plus. Depuis que le Seigneur est ressuscité, il a effacé le sein d'Abraham. Oh, il a pris tous ceux qui étaient là-bas. Captifs. Il les a amenés dans le paradis d'en haut. C'est pourquoi il faisait chapitre 4 dit Je commande au Éphèse sur la 4 Éphèse chapitre 4 Éphèse sur la 4 au verset Au verset 8, mustari yake ya il est écrit là-bas. Baraandika c'est hivi, pourquoi il est dit Jokamana inasemewa, étant monté en haut, kisha kupanda juu, il a amené des captifs alipeleka bafungwa, et il a fait des dons aux hommes. Na anafanya mazawadi kwa watu. Qui était captif ici? Ni banani walikuwa bafungwa hapa? Les saints de l'Ancien Testament. Batakatifu bamba wagano la kale. Il les a tous pris. Alibabeba bote. Après sa résurrection, kisha ufufuko yake, il les a amené, il les a déposé en haut. Alibapeleka na kubacha paradiso ya yulu. Et il a supprimé le paradis d'en bas. Na anaondosha paradiso. Le lieu de tourment est resté là-bas. Mais le paradis d'en bas était supprimé. Le paradis maintenant se trouve seulement en haut. Paradis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les frères qui meurent, ils montent. Et tous les païens descendent. C'est ça la position actuelle. Et ici, Abraham, Ibrahim et Lazare, na Lazare étaient dans le paradis d'en bas. Barikuwa mu paradiso ya chini. Et le lieu de tourment était de l'autre côté. Fazi ya mangaiko ilikuwa ngambo ingine. Toujours en bas. Paka pa chini. Séparé par un abîme. Yenye kutengwa na shimo. Donc, quelqu'un qui était dans le lieu de tourment pouvait lever les yeux, il voit celui qui est au paradis. Muntu ule alikuwa mu fazi ya mangaiko alipashi kunyolosha macho na kuona muntu ule kwa paradiso. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Sasa leo abiwezekane tena. Mais c'était possible dans l'Ancien Testament. Biliwezekana mwagano la kale. Aujourd'hui, quand quelqu'un est au paradis, leo kama muntu kwa paradiso, celui qui est dans le lieu de tourment ne peut jamais le voir. Ule kwa wakati ya mu fazi ya mangaiko hashezi kumuona. Le lieu de tourment est en bas. Juu fazi ya mangaiko kichini. Le paradis est en haut. Paradiso iko yulu kumbingu. C'est totalement séparé. Kuachana kabisa. Mena ici, sasa hapa, Abraham, Ibrahimu, il dit au jeune homme riche, anaambia kijana mtajiri, ils ont Moïse et les prophètes. Beko na Musa na manabii. Qui les écoute? Bapati kubasikiliza. Un langage prophétique. Musemeo ya unabii. Si quelqu'un est sorti là, kama mtu alitoka pale. Père Abraham, Baba Ibrahim, tu as dit que Moïse et les prophètes sont là? Ulisema Musa na manabii beko pale. Oui, ils ont Moïse et les prophètes. Beko na Musa na manabii. Si quelqu'un était sorti dans la cité, kama mtu alitoka mmuji, pour chercher Moïse et les prophètes, kwa kutafuta Musa na manabii, il n'allait pas les trouver. Ashikupashi ubapata. Il allait dire non, Abraham a menti. Nasema Abraham analanda. Oh Abraham, japo Ibrahim utilisait un langage prophétique. Alitumia musemeo ya unabii. Moïse et les prophètes, ce sont les écritures. Musa na manabii ni maandiko. C'est-à-dire qu'ils ont la loi et les prophètes. Manake beko na sheria na manabii. Ils écoutent ce que les écritures disent. Basikilize kile maandiko yako nasema. Le langage prophétique. Musemeo ya unabii. Frère, Nduku, il faut seulement l'observer dans son accomplissement. Il n'a pas chikui chunga tu mukutimilika kwa yo. Et ça s'accomplira comme Dieu l'a vu. Et itatimilika paka vile Mungu aliona. Dernière écriture. Andiko ya mwisho. C'était une question que le Seigneur avait posée. Ilikuwa ni ulizo le Bwana aliuliza. Et que le Seigneur lui-même na a répondu au temps de la fin. Bwana yeye mwenyewe alijibia mwakati ya mwisho. Matthieu chapitre 24. Matayo sura 22 na 24. Verset 45 à 47. Mustara 45 na 7. Matthieu 24, 45 à 47. Matayo 24:45. Une question posée par le Seigneur. Ulizo le Bwana aliuliza. Répondu par le Seigneur. Il est paka Bwana yeye mwenyewe tena anajibia. Écoutez ce qu'il dit. Musikilize ile nasemewa. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Ni nani basi huyu mtumishi mwaminifu na mwerevu? Que son maître a établi sur ces gens, ou bien sur ces domestiques de sa maison. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heri yake huyu mtumishi ule bwana wake atamkuta wakati tarudi yako nafanya hivi. Je vous le dis en vérité. Namiambia kweli kweli. Il l'établira sur tous ses biens. Atamweka yulu ya mali yake yote. C'est le Seigneur. Ni bwana huyu yako nasema. Qui a posé cette question? Dieu aliuliza yulizo. Et qui a affirmé ce qui arrivera à cet homme-là? Na anahakikisha ile tamufikia huyu mtu. Cette question. Iulizo. Et demeurer question pendant 2000 ans. Il va qui a oulizo kadiri ya miaka elfu mia mbili. Mais le 19 septembre 1976. Le 19 septembre 1976. Frère Franck. Dougou Franck. Il était assis là. Un frère, le frère Don Babit. Don Babit. Il dit frère Frank. Akamuliza Nduku Frank. En voyant le ministère de frère Branham. Mukona mutumishi wa Nduku Branham. Nous voyons que c'est un ministère à portée internationale. Tunaona sema ni mutumishi bule buku ulimwengu mzima. Et il a sa place dans les écritures. Na yeye kuna nafasi yake mu maandiko. Mais quand nous voyons sur ton ministère. Kama tunaona tena utumishi yako. Nous voyons qu'il est de portée internationale. Tunaona sema ni ya ulimwengu mzima. Quelle est l'écriture qui parle de ton ministère? Sasa ni andiko kani kunasemezea kuhusu utumishi yako? Frère Frank lui dit frère laisse-moi tranquille. Nduku Frank akamwambia uniache tu mukimya. Parle plus de choses. Comment le ministère peut se trouver dans les écritures? Il parle plus des affaires. Quand il est entré à la maison, vers 4h30, Dieu descend. Mungu akashuka. À moins de 3 mètres de lui. Karibu naye meta tatu. Il dit mon serviteur. Akamwambia mtumishi wangu. Je t'ai établi. Na kuweka. Selon Matthieu 24:45-47. Kufuatana na Mathayo 24:45-47. C'est-à-dire. Manake. Ce qui était une question. Il est quoi ulizo? Le Seigneur a répondu à la question le 19 septembre 76. Bwana alijibu kwa ulizo le 19 septembre 1976. C'était une question. Il quoi ni ulizo? Posé par le Seigneur. Il est ulizo bwana. Et la réponse a été donnée par le Seigneur. Il dit paka na Bwana yeye mwenyewe. Frère Dieu lui-même confirme sa parole. Duku, Mungu yeye mwenyewe anahakikisha neno lake. Il dit mon serviteur. Anasema mtumishi wangu. Je t'ai établi selon Matthieu 24:45-47. Na kuweka kufuatana na Mathayo 24:45. Pour distribuer la nourriture. Dieu kukabula chakula. Et nous avons vu ça. Na tuliona. Comment il nous a distribué la nourriture. Namuna kane atugabula chakula. Et aujourd'hui, surtout nous tous ici. Na leo zaidi sisi wote. Si nous sommes dans le message. Kama tuko mujumbe. C'est à cause de ce ministère là. Ni kwa ajili ya ile butumishi. Même les gens de la fausse doctrine. Hata watu wa mafundisho ya bongo. Les tonneristes et autres. Ba minguruma na bengine. Autrefois, ils étaient nos frères. Zamani barikuwa banduku yetu. Et autrefois. Na zamani. Ils écoutaient ce ministère parler. Barikuwa nasikiliza utumishi kunasema. Fait dans ce temps de la fin. Mui wakati ya mwisho. Envoyé deux ministères promis. Mungu alituma mautumishi mbili barilaka. C'est l'ordre du plan du salut. Kufuatana mapu ya wokovu. Le premier. Wa kwanza. C'était le ministère prophétique. Ni kwa ni utumishi ya unabii. Par William Marion Branham. Kupitia William Marion Branham. Le deuxième. Ya pili. C'était un ministère d'enseignement. Ni utumishi ya bumwalimu. Par Evald Frank. Kupitia Evald Frank. Dieu lui a donné une grande introduction dans la parole de Dieu. Mungu alimuingiza sana muneno la Mungu. Afin qu'il comprenne exactement ce que l'esprit avait dit à frère Branham. Ili apate kuelewa kabisa kabisa kile roho ilisema na ndugu Branham. Et il l'a enseigné à l'église. Na alikifundisha kukanisa. Le chemin de l'enlèvement. Njia ya kunyanyuliwa. Passe par ces deux ministères. Iko napitia pa hii mautumishi mbili. Celui qui néglige l'un de ces ministères. Ula tasula utumishi moja ya mbili. Manquera l'enlèvement. Atakosa kunyanyuliwa. Mais ceux qui le reçoivent. Bale wanaipokea. Iront aussi dans l'enlèvement. Nabo nyanyuliwa. Ce c'est le chemin de Dieu frère. John njia ya Mungu. Les pentecôtistes ne peuvent pas croire. Bantu ampente abezi kuamini. Que comme ils ont rejeté le ministère de frère Branham. Paka vile barikatala utumishi anduku Branham. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Abata nyanyuliwa. Ça reste un mystère pour eux. Inabakia tu ni siri kwa. Mais la réalité qu'ils n'iront pas dans l'enlèvement. Akika abata nyanyuliwa. Les tonneristes et les autres. Bantu minguluma na bale bengine. Ne peuvent pas comprendre. Nabo abezi kuelewa. En rejetant le ministère de Matthieu 24:45-47. Ya kwamba mukatala utumishi wa Matthieu 24:45-47. Kosa kunyanyuliwa. Effectivement, il manquera l'enlèvement. Akika batakosa kunyanyuliwa. Mais les sages aujourd'hui reçoivent tous les deux ministères là-bas. Wanapokea mautumishi yote mbili. C'est ça la vérité, frère. Njoo ukweli nduku. Maintenant, écoutez, frère. Sasa msikilize ndugu. Où se trouve le malentendu? Kuelewa kubaya kuku wapi? C'est au verset 46. Ni mustari makumi ine na tano. Au verset 45. Mustari makumi ine na tano. Dieu l'a accompli littéralement. Mungu alitimiza paka vile. Le verset 47. Mustari makumi ine na saba. Dieu l'a accompli littéralement. Mungu alitimiza paka vile. C'est-à-dire, le Seigneur l'a établi sur tous ses biens, c'est-à-dire sur sa parole. Manake Bwana alimweka yule mali yake. Une grande introduction dans les écritures. Alimuingiza sana mu maandiko. Mais le problème, Mambo ni, où les gens commencent à remettre en cause, il est bon, kushakia, c'est le verset 46. Heureux ses serviteurs. Eri yake uyu mutumishi, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ule bwana atamukuta wakati atakuja kona fanya hivi. Les interprétations sont sorties. Matafsili ilitoka. Ah non, le frère Frank ne va pas mourir. Oh, ni kusema ndugu Frank asitakufa. Dieu n'a pas utilisé le terme mourir là-bas. Mungu ashikutumishie musemo. Dieu a dit heureux ses serviteurs, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Les gens ont compris que Frank ne mourra pas. Un Frank est mort. Mais vous comprendrez que la distribution de la nourriture continuera jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Frère, Nduku, Dieu est son propre interprète. Il interprète la parole à sa façon. Eko na tafsili neno lake munamuna yake. Et laissez-moi vous le répéter. Mwache ni miambie yote. Dieu ne chouera jamais. Mungu hawezi kama kushindwa. Et Dieu ne mentira jamais. Mungu hawezi kama kulongofia. La parole de Dieu ne tombera jamais. Neno la Mungu hawezi kama kuanguka. Dieu veille sur sa parole. Mungu eko na kesha yule neno lake. Ili apate kuitimiza. Et Dieu aura toujours raison. Na Mungu wetu atakopa kana sheria. Mungu amibariki juu ya mangaribi ya leo.